Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr et sur nos écrans.com pour le 47e numéro de Sur nos écrans. Enfin, je commence une émission en vous annonçant le bon numéro. On est parti pour trois émissions de suite assez palpitantes pour nous. Dans deux semaines, on vous parlera d'un des grands films de l'année dernière dont on n'a pas eu l'occasion de vous parler. La semaine prochaine, c'est Batman v Superman qui fera son arrivée, évidemment, dans Sur nos écrans. Mais là, aujourd'hui, il est temps qu'on vous fasse le bilan de la deuxième saison de Daredevil. Je suis Mathieu et vous allez écouter le 47e numéro de Sur nos écrans. Et avec moi pour faire le bilan de la deuxième saison de la série Netflix, Arnaud. Salut. Elodie. Bonsoir. Irish. Salut. Et Léo. Hello. Alors, excepté Elodie, tout le monde a terminé la saison. C'est pour ça que nous allons faire d'abord une partie sans spoiler et après une partie où on se lâchera, où Elodie nous quittera et on se lâchera et on dira tout ce qu'on a à dire en spoilant comme des gros porcs. Mais avant, comme d'habitude, petit point sur votre semaine série ou film peut-être. Qu'avez-vous regardé? Et est-ce que c'était bien, Arnaud? Agents of S.H.I.E.L.D. est revenu depuis... L'épisode de cette fin de la semaine dernière était moyen. Il restait quand même assez fort, mais je l'ai trouvé moins rythmé que les précédents. Certaines intrigues avancent assez lentement. Coucou Ward. Enfin, Ward Hive, plutôt. Et sinon, à part ça, j'ai regardé The Walking Dead, qui continue de toujours plutôt bien fonctionner. J'ai adoré l'épisode avec Carol et Maggie. Depuis le début, depuis très longtemps, j'aime Carole et j'étais très heureux de l'avoir mise en avant. Et que dans les derniers épisodes, il se passe enfin certaines choses intéressantes qu'on n'avait pas vues depuis le début de la série. Sinon, à part ça, c'est une petite semaine. Ok, et toi, Elodie? Je suis à jour dans Flash et Arrow, déjà, ce qui est pas mal. Ça tombe bien, c'est pas diffusé. C'est bien pour ça que j'ai pu rattraper. En même temps, j'avais quand même plusieurs épisodes d'Arrow de retard, donc voilà. Ça, c'est pas grave. Ouais, ça, t'aurais pu laisser tomber. Non. Enfin, oui, non, enfin... J'avoue que je préfère toujours regarder Arrow à Flash, mais je sais toujours pas pourquoi je fais plus Arrow quand même. Hein. Les goûts, les couleurs, ça se discute pas, mais quand même... Agent of S.H.I.E.L.D., j'ai vu la reprise, mais pas celui de cette semaine. Mm-hmm. Et un peu comme Arnaud, enfin, la reprise était assez mou, j'ai trouvé. Non, moi j'adorais la reprise, c'est celui d'après qui était mou. Ah bah non, bah, moi c'est la reprise que j'ai trouvé, enfin, c'est pas grand chose, c'est un petit peu mou. On okay. verra donc celui de cette semaine. The Walking Dead, ai-je vraiment besoin de dire quelque chose? C'est une grosse blague. C'est toi qui choisis. Non, moi je la trouve toujours très très bien cette deuxième partie de saison, mais bon, dans la continuité de la série pour moi, donc. Mais c'est vrai que cette deuxième partie de saison est même au-dessus, donc. C'est sûr. Sinon, j'ai pas trop le temps de faire autre chose que Daredevil, et en plus j'ai même pas eu le temps de finir à côté de vous, alors bon. Ouais. Irish. Moi, déjà on va mettre Daredevil de côté, vu qu'on va en parler tout à l'heure. On va commencer par lundi. The Walking Dead, l'épisode, j'ai bien aimé l'épisode, mais j'ai trouvé un peu à rallonge. Et j'ai même pensé que c'était un épisode qui aurait pu facilement, avec l'épisode de la semaine d'avant, faire un seul. Je veux dire, moi je pense dans la continuité, ils sont restés un peu trop longtemps sur eux. Parce que l'épisode, il fait plus de 40, plus de 50 minutes et c'est un peu trop, claustro dans un seul lieu et ça n'avance pas beaucoup. Mm-hmm. Même si on comprend l'idée qu'ils essaient de faire développer et que, soit dit en passant, je trouve un peu subite par rapport à la transformation de Carole. Mais ça, c'est un autre débat. Ça fait 4 ans qu'elle est comme ça. Bah, justement. Ce n'est pas un débat, messieurs. Voilà, justement. Mais ça fait 4 ans qu'elle est comme ça, mais justement, elle est en train de revenir dans le sens inverse. Mais je trouve ça un peu subite. Bref. Ensuite, Supergirl, j'ai bien aimé l'épisode. Je trouvais que c'était un épisode très intéressant. Mais par contre, je trouve j'ai l'impression qu'ils ont pris les épisodes de Lois et Clark et ils ont regardé les passages obligatoires pour un super-héros qui. Voilà, on a presque les clichés d'épisodes. Oh, tiens, dans cet épisode-ci, elle va perdre ses pouvoirs. Tiens, dans cet épisode-là, elle va devenir méchante, ainsi de suite. Voilà. Mais par contre, c'était quand même l'un des meilleurs épisodes de la série, moi j'ai trouvé. Et enfin, et quoi d'autre? Ah, Agent of Shield. je vais arrêter bientôt Mathieu. Hein. Et Agent of Shield qui va crescendo, on sent qu'il y a quelque chose qui se prépare. Donc c'est pour ça que je suis un peu indulgent. Parce que je suis dans l'expectative. J'attends de voir ce qui va vraiment se passer et j'ai bien l'impression que tout ce qui se passe actuellement n'est qu'une sorte de mise en bouche pour ce qui va arriver. Mais d'où le rythme, d'où l'impression de lenteur que j'ai un peu ou de remplissage. Voilà. Et toi, Léo, ta semaine ? J'ai jamais été aussi rapide à finir une série que ce que j'ai fait pour Daredevil, mais bon, ça se verra après. Legends of Tomorrow, comme je l'avais dit, je continue à prendre ça pour une énorme blague nanardesque. Donc au final, je regarde ça pour me lâcher l'esprit le vendredi. Flash est en pause. Arrow, non, j'ai arrêté depuis un certain temps. Supergirl, j'en parle pas. Et Walking Dead, faut pas déconner. Même s'il paraît que c'est bien, mais bon, pour moi, 5 saisons, ça m'a suffi. Mais comment tu peux en parler si t'as pas vu ? J'ai rien dit sur Gotham. Non, mais j'ai rien dit. C'est juste que j'ai fait 5 saisons, j'attends pas un peu plus. Hein. Enfin bref, c'est pas le débat. Mais si on te dit que c'est bien. Ah oui, non, mais j'en suis convaincu, mais moi, c'est bon. J'arrête les frais. Gotham, je suis toujours aussi enthousiaste, personnellement. Même si, bon, peut-être que Mathieu avait raison quand on en a parlé en privé, il y a peut-être beaucoup de choses qui se développent d'un coup pour un épisode, mais en tout cas, je suis convaincu de sa qualité. Et Agents of S.H.I.E.L.D., la reprise est plutôt cool. Le deuxième épisode, se regarder aussi. Enfin, tant que ça reste d'un bon niveau, moi, ça me convient. Donc là, je suis plutôt satisfait. Ça me va. Voilà. D'accord. Pour faire vite sur ma semaine, c'était la semaine du What the Fuck total. Entre Agents of S.H.I.E.L.D. avec Talbot en robe rouge. Ah, ça. Ok. Gotham, je sais pas ce qu'il leur a pris. Ils ont eu un coup de pression ou je sais pas. Ils nous ont fait 4 cliffhangers en 3 minutes sur 4 personnages différents. Des trucs improbables qui retournent tout et qui. Voilà, enfin, ouais, Gotham, ok. Quoi. Ça reste pas déplaisant à regarder, hein. Je dis pas ça, hein, mais. Faudra voir la suite. On avait peut-être le temps. Supergirl, c'était peut-être le moins what the fuck. Et effectivement, de toute façon, on a droit à tout le catalogue de effectivement ce qu'il y a eu. Par quoi il faut passer quand on fait une série de super-héros. Supergirl passe par toutes ces étapes, par tous ces épisodes clichés et tous ces poncifs. Oui. Ouais, sauf qu'on a déjà vu ça, quoi. Oui, mais elle ne le fait pas mal. Ouais, c'est tout à fait. Voilà. Donc à partir de là, je suis plutôt satisfait de ce que je vois. Walking Dead, c'est toujours très bien. Et puis quoi d'autre ? Je crois que c'est tout pour la semaine. Daredevil, évidemment. Ah si, j'ai rattrapé 2 épisodes d'Arrow de la deuxième partie de saison, là, depuis la reprise. J'ai pas fini le deuxième. Je me suis arrêté. J'en parle plus tard. Voilà. Ça veut tout dire. Oui. Allez, on va passer à Daredevil maintenant. Oui. Donc une partie sans spoiler, puis une partie où on lâchera les chevaux et on spoilera bien. Donc évidemment on respecte, on essaie de spoiler vraiment le minimum dans cette partie, voire même pas du tout, ça serait parfait. Alors Daredevil, saison 2 disponible sur Netflix depuis le 18 mars, depuis vendredi dernier. Un marathon assez intense pour la plupart d'entre nous, puisqu'on est dimanche 20 au moment où on enregistre l'émission. Tout d'abord pour ouvrir cette partie, et comme d'habitude, première question, bien ou pas bien ? Arnaud. Excellente même, plus que bien. Sauf on en parlera, je suis pas trop fan des derniers épisodes de la saison, mais sinon c'est une excellente saison avec une première moitié qui est quasiment parfaite, mais ça se complique plus dans les derniers, mais dans l'ensemble c'est très très bon, supérieur à la première saison, et j'ai adoré. Est-ce que quelqu'un est d'un avis contraire ou souhaite nuancer ? Ou est-ce que tout le monde est sur cette ligne voilà. Moi je suis sur la même ligne, c'est une très très bonne saison, meilleure que la première pour moi, parce que la première j'avais été un peu j'avais trouvé bien, mais on avait eu le débat par rapport à Jessica Jones, mais cette fois-ci j'ai l'impression même que je vais peut-être le sentiment de nouveauté, mais j'ai trouvé meilleur que Jessica Jones. D'accord. Après, comme je dis, peut-être le sentiment de nouveauté. Personne n'a été déçu. Tout le monde est d'accord pour dire c'est bien, très bien. Moi, j'ai pas été déçu. J'ai beaucoup aimé aussi. Après, j'attends de voir ce que peut reprocher Arnaud. Peut-être qu'il y a des choses à dire. C'est sûr. Ouais, Il peut pas être univoquement positif. de manière globale, comme je pense beaucoup d'entre nous, cette saison est vraiment très très bien. D'accord. Je voudrais mettre un autre point de vue. Vas-y. J'avais vu les premiers épisodes de la saison 1 et j'avais arrêté, donc je n'ai pas vu la saison 1 en entier. Ah, voilà. J'avais vraiment pas accroché aux premiers épisodes de la saison 1 d'Ardeville. J'avais pas trouvé ça mauvais, hein. Ouais, oui. Ça m'a absolument pas donné envie de continuer. Et donc, disons que j'ai été amenée à voir les premiers épisodes de la saison 2, que j'ai beaucoup aimé et qui m'a donné pour le coup envie de regarder toute la saison. Et d'ailleurs, ce qui est très sympa avec cette saison 2, c'est qu'on peut la prendre sans avoir vu ce qui s'est passé avant. Tout même fait. Si, voilà, il y a des références à Fisk. Mais par contre, un point t'avais déjà souligné, Mathieu, et peut-être que Elodie, c'est l'une des raisons, c'est que les cliffs de fin d'épisode sont vraiment très bons. Sinon, je peux aussi donner mon avis. Mais c'est le boss, c'est très bien. Alors oui, une saison nettement supérieure à la première, effectivement, mais qui, encore une fois, comme l'année dernière, se finit un peu en eau de boudin et laisse un goût quand même plutôt amer sur certains trucs, notamment les deux derniers épisodes qui ont du mal à passer, surtout sur la fin du dernier. Voilà, cette espèce d'incapacité à conclure sur la même lancée que le reste de la saison, voilà, ça peut s'expliquer par certaines choses, on en parlera tout à l'heure, mais voilà, ça m'a gêné encore une fois, quoi, la fin, merde, quoi. Mais bon. Les séries Netflix de Marvel, en tout cas, mériteraient d'avoir 10 épisodes et pas 13. C'est vrai. Et encore, je suis pas sûr qu'ils arrivent à conclure. Si, je pense que au moins pour cette saison, ça aurait pu restreindre certaines choses, surtout au niveau du Punisher, parce qu'il y a des choses qui m'ont dérangé en fin de saison. Mais on en parlera plus tard. Ouais. On en parlera plus tard quand on parlera évidemment des spoilers. non, ça allait être spoiler ce que j'allais vous poser comme question, donc je ne vais pas le faire. Juste ce que je propose avant de quitter entre guillemets Elodie, c'est que Elodie, toi, tu nous dises vraiment ce que tu as apprécié, là où tu en es, comme ça on est sûr de pas spoiler au-delà de ce que tu as vu, et puis après nous on enchaînera et on parlera sur de manière plus globale. Qu'est-ce qui t'a séduit le plus dans ces 10 épisodes? J'ai beaucoup aimé le personnage du Punisher. Alors, j'ai l'impression que l'intrigue est un peu bouclée au bout de 4 épisodes, dans le sens que voilà, c'est le grand méchant de la saison, poursuivi par Daredevil. Il se fait arrêter. Voilà, une première chose bouclée. Après, on a toute une partie où il y a son procès. Alors, on le voit un petit peu moins, mais la partie vraiment procès est quand même très intéressante. On en apprend de plus en plus sur son personnage. On apprend à l'apprécier. Enfin, en tout cas, c'était mon cas. Puis après, il y a toute la partie où il s'évade de prison. J'en suis là, donc je n'irai pas plus loin, parce que je ne sais pas ce qui se passe dans les derniers épisodes. Mais en tout cas, le Punisher, en tout cas, très très bonne surprise pour moi. Et j'ai beaucoup aimé, dans les premiers épisodes, la relation qu'il y avait avec Matt, enfin avec Daredevil, plutôt. Tout leur dialogue, j'ai trouvé. Il y avait des longues scènes de dialogue et j'ai trouvé ça sublime. Ça, on est d'accord, ouais. Je suis d'accord. Notamment l'épisode, une sorte de huis clos entre les deux sur le toit. Le 3. Où tu apprends un petit peu ça te permet de comprendre un peu les différences entre les deux personnages qui, au fond, restent deux justiciers, mais avec des. Ils ont le même but, au final, de manière différente, mais. Ouais, ils diffèrent par leur méthode. C'est sûr. Mais en même temps, ça permet aussi, c'est aussi là que se lie une sorte d'amitié, on va pas dire amitié, mais une sorte de relation sordide entre les deux. Je trouve presque dommage, au bout du 4e épisode, la relation entre Daredevil et le Punisher, on se dit qu'il va peut-être se créer quelque chose, une association, ou... Enfin, oui, je sais pas, j'avais dans l'espoir qu'il aurait pu y avoir une association entre les deux, même si c'est pas vraiment des super-héros. Oui, tu sens qu'il y a une sorte d'envie d'association, mais ils sont trop opposés pour que ce soit possible. Il y en a un qui veut sauver des vies, qui veut sauver, qui se dit qu'en chaque être humain il reste quand même quelque chose à sauver. Il y a toujours cette lueur. Il y a un autre qui pense que non, il y a rien à faire, que dès que tu deviens méchant, bah t'es méchant pour de bon et il y a qu'une chose à faire, c'est de s'exterminer. Donc même si tu te dis bon, il y a une envie, tu veux qu'il fasse union, là sur le moment c'est pas possible parce que l'autre il a encore, en plus du fait que l'autre il est encore trop dans l'esprit de vengeance, c'est pas possible. Donc ça, tu comprends ça aussi. J'ai beaucoup apprécié le personnage d'Electra aussi. deuxième gros ajout de la saison. Exactement. Les ajouts, c'est ce qui, clairement, pour moi, m'ont apporté une touche vraiment sympa à cette saison d'Daredevil. Donc, le personnage Elektra, un personnage féminin plutôt badass. Voilà. Après, j'ai trouvé que Elektra avait beaucoup plus de charisme, était beaucoup plus intéressante que Karen. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais Karen, pour moi, reste une tête à claque. Je suis pas d'accord du tout. Elle a été intéressante cette saison dans sa relation avec Frank. Ouais. Après, sur le problème, c'est que je peux répondre à rien de ce que tu dis parce que j'ai oui, trop de spoilers à faire et du coup voilà. Mais non, je suis clairement pas d'accord sur Karen. Absolument pas. Par contre, par rapport à ce que tu disais, la relation entre Elektra et Matt ou Elektra et Daredevil, moi j'ai quand même l'impression qu'elle a une relation plus difficile avec Matt et une relation plus facile avec Daredevil. Elle est plus en osmose avec Daredevil si tu regardes par rapport aux décisions. C'est Daredevil qui lui demande de rester et de vivre ensemble, mais par contre c'est Matt Murdock qui lui dit va-t'en, qui lui demande de partir. Donc moi j'ai trouvé ça très drôle. Du coup t'as vraiment une sorte de dédoublement de personnalité dans la même personne, en gros, entre lorsqu'il est Matt Murdock et lorsqu'il est Daredevil. La question de la dualité est intéressante hein, cette saison. C'est vrai, ouais. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Erich. Le fait qu'il ait des problèmes à gérer son identité, à toujours mentir pour aller, enfin, pour ne pas aller au tribunal. Carrément, laisser tomber ses potes. Ah ben oui, mais là encore plus que la saison dernière d'ailleurs. Tout le fait de devoir gérer deux fois la double personnalité, avec une fois avec Karen et une fois avec Elektra, continuellement jongler sur les mensonges en amonceler, etc. Ça rend un peu plus le personnage de Daredevil intéressant de ce point de vue là. En tout cas, je suis d'accord avec ce que tu dis. Oui, et tout à l'heure j'ai voulu intervenir quand Erich disait c'est Matt Murdock qui la vire, hein. Mais il y a quand même eu une évolution puisque dans le j'ai rien dit. C'est mieux. C'est bon. Il n'a pas spoilé. J'étais à deux doigts de cliquer sur ton micro là. Ça va être clairement très tendu maintenant de ne plus spoiler. Je vais aller regarder la suite. Voilà, juste un dernier truc, éventuellement. Qu'est-ce que tu as pensé du retour inattendu à la fin de l'épisode 8 ? On ne va pas dire qui puisqu'on est dans une partie non spoiler. Mais est-ce que ça t'a fait plaisir ? Il faut poser cette question vu que j'ai pas vu la saison 1, mais. Oh bah tu te doutes quand même que ce personnage-là. Oui, mais bah je sais ce que j'en avais entendu parler, donc j'imagine que pour les gens qui étaient fans de la saison 1, ça a été le gros truc. Pour moi, ça m'a fait ni chaud ni froid, honnêtement. D'accord, ok. Mais surtout, c'est une énorme surprise que Netflix et Marvel ont réussi à garder. Parce qu'il y avait rien qui avait fuité, rien sur le tournage, rien du tout. Bref, Elodie, bonne soirée. Salut, bonne soirée. Salut, à plus. Alors, maintenant qu'Elodie n'est plus là, on va parler sérieusement et spoiler maintenant correctement toutes les intrigues. Si vous n'avez pas terminé la saison 1, c'est maintenant. La saison 2, c'est maintenant qu'il ne faut pas nous quitter, évidemment, la saison 1 aussi. Ouais, allez, on va partir point par point et on va vraiment détailler jusqu'au bout de ce qu'on a à dire sur les choses. Juste pour info pour moi, parce que je ne sais plus quel épisode est qui ou quoi, le personnage dont vous parliez, c'est un certain WF. Oui. C'est ça. D'accord. On va commencer avec les ajouts, évidemment, de cette saison. Le Punisher, et cette fois, on peut spoiler, on peut y aller, on peut dire, voilà, clairement, pourquoi oui, pourquoi peut-être pas non. Enfin, pourquoi peut-être pas oui, bref, voilà, on vous avait compris. Le Punisher, d'abord, John Bertal. Excellent. Je pense que c'est surtout l'écriture du personnage qui est excellente, plus que son rôle d'acteur, qui n'a rien d'infamant ou de mauvais. Ouais, ça n'a rien de... C'est pas mauvais, c'est bon. Non, mais c'est pas mauvais de dire qu'il n'y a rien de neuf. Oui, si c'est pas extraordinaire. S'il est parfait pour le rôle, oui. T'as besoin d'un acteur excellent. Voilà, j'avoue. Il a un rôle à la hauteur de ce qu'il est, quoi. Ouais. Est très très bien, et très bonne, et peut-être... Au moins, il se caresse pas la thèse. Il essaie de s'en empêcher, quand même. Tu regardes dans le... Quand il est dans le sort de bar, le restaurant, avec sa casquette, bon, tu sens que s'il n'a pas la casquette, il va y aller. Mais c'était intéressant. Ouais. C'est pour ça que je n'ai pas rebondi. Le Punisher, moi, ce qui m'a frappé chez lui, ce qui m'a marqué, c'est la manière dont il est introduit. Cet épisode 1, hyper efficace, où il ne dit qu'un seul mot de tout l'épisode, à la fin, bang. Et tu le vois presque pas. J'ai trouvé l'introduction parfaite. Ouais, complètement d'accord. Et tout de suite, in the mood, tout de suite. Il en impose tout de suite. Tu sais tout de suite que ça va être un adversaire à la hauteur de Daredevil et assez puissant. C'est tout de suite que ça va pas être la même chose que la saison dernière, quoi. La volée de balles dès le début, tout de suite ça donne le ton. Alors là, justement, c'est la même chose que la saison dernière, avant qu'ils n'assument plus ce qu'ils font et qu'ils se rendent compte qu'il faut conclure pour finir la saison et qu'ils terminent les trois épisodes un peu n'importe comment. Mais sinon, sur la première partie de saison, on était pareil, sur un ton un peu sans concession, hyper sombre, etc. Là, ils reprennent peut-être le niveau de la saison 1, mais en allant encore plus loin. C'est plus trash. Ouais. Mais on a eu cette parenthèse de 3-4 épisodes à la fin de la saison 1 qui, effectivement, nous avait fait oublier peut-être tout ça. C'est vrai que le but... Non, mais la fin de saison, là, c'était pas possible avec le Punisher. C'est ça un des défauts de cette saison que j'ai trouvé. C'est qu'on n'avait pas besoin qu'il nous rajoute, son ancien général et ses anciens camarades militaires. Que lui, ce soit le Blacksmith, que ce soit lui, c'est la faute qui a démarré tout ça, qui a tué sa famille. On n'avait pas besoin de cette histoire de drogue et compagnie. L'histoire de vengeance suffisait sans cet ajout avec son passé. Et du coup, j'ai trouvé que c'était de trop par rapport au reste. À quelque part, ils ont voulu conclure un petit peu la boucle. Mais ça aurait, il y avait déjà une conclusion pour moi, ça suffisait. Il n'y avait pas besoin de rajouter ça. Oui, mais après tout, ce qui comptait aussi, c'était le pourquoi du comment de l'attitude de Frank Castle. C'est tout de ça aurait pu être juste la police qui a infiltré un gang et ils essayent de choper des criminels. La mission tourne mal et il y a un règlement de compte et au final sa famille était au milieu et elle est morte. Là on nous a rajouté en plus de ça un ancien de son passé, qui a organisé tout ça. Il n'y aurait pas vraiment de coupable. Ah si, le coupable c'était le procureur qui n'avait pas fait son boulot. La partie Blacksmith pour moi elle est brillante. Est brillante et hyper importante pour les fans du comics, parce que voilà, c'est quelque chose qui fait écho à ce qu'on a lu, à ce qu'on connaît du Punisher, à ce qu'on connaît de son début, cette histoire par rapport à ce qui s'est passé et par rapport à son chef militaire, enfin au colonel, etc. C'est quelque chose qui fait écho à des choses très marquantes sur le Punisher et qui du coup moi m'ont fait hyper plaisir. Moi je dirais que ce qui m'a déplu, c'est à peu près, t'as l'impression que c'est une conclusion qui est un peu hâtive. Sortir un peu de nulle part. Ah oui, mais tout est hâtif à la fin de cette saison. On en parlera quand on parlera vraiment de la fin, mais tout est hâtif. De même que l'histoire du Black Sky qui est un peu. Un peu le truc n'importe Nawak pour moi dans la saison. N'importe Nawak, après. Parce que pas assumé, et on en parlera quand on parlera d'Electra. Mais un point que tu as soulevé, Mathieu, sur l'association avec les comics, c'est vrai que. Cette saison, quand même, a fait pas mal de clins d'œil aux comics. Énorme. Et de fait, ça pouvait être pas mal de finir là-dessus pour donner une espèce de petit point final. Après, je suis d'accord que ça pouvait être de trop, qu'il pouvait laisser une espèce de petite part de mystère. Arnaud, je suis plutôt d'accord. Mais en même temps, moi, personnellement, ça ne m'a pas dérangé d'avoir cette espèce de finale où tu boucles la boucle de quelque chose qui avait déjà été bien amorcé et que surtout Karen. Blacksmith lié à lui, c'était pas vraiment amorcé. Sauf que à partir du moment où tu as lancé le fait que c'était qu'il y avait un Blacksmith et tout ça, il y avait quelque part une espèce d'obligation entre guillemets de savoir qui c'était à un moment. Ça aurait pu être en saison 2, en saison 3. Oui, mais de quelqu'un de son passé, non. C'est cliché en plus. Peut-être, t'as raison, mais c'est un parti pris aussi, c'est une histoire. Moi, je peux pas te dire que ce soit. Pour te reprendre, c'est pas parce que c'est neuf que c'est pas neuf que c'est pas bon. Exactement. Oui, là, c'est pas neuf et pour moi, pas bon. Et puis surtout, encore une fois. Fait trop rapidement. Encore une fois, il y a une espèce de lien par rapport aux comics aussi, quelque part. Et donner ça en espèce de conclusion avec le général, bon oui, ça paraît un peu classique, mais en effet, comme le dit Mathieu, bon, c'est pas parce que c'est pas neuf que c'est pas bon, c'était plutôt pas trop mal, voilà, après que ce soit hâtif, Ouais, un peu, ouais, parce que ça arrive comme ça, genre direct. Puis même assez... la manière dont Karen le. Ouais, exactement, elle a vu un visage brûlé, oui. Un coup d'œil, une sur la photo. Et lui, comment il comprend qu'elle a compris, c'est quoi, c'est. Elle s'arrête au milieu de sa phrase et tout de suite il comprend que. En même temps, elle est hyper visible sur cette scène-là, excuse-moi, mais elle n'arrive pas du tout à cacher ce qu'elle est en train de vivre et n'importe qui aurait pigé qu'elle n'était pas bien, quoi. Ça se regardait pas. Moi d'ailleurs, moi j'ai pensé sur le coup parce que juste avant, il lui dit où que Franck puisse être, il aurait aimé ça. Mais je me disais, mais on sait pas, il n'est pas censé savoir que Franck est mort. Enfin, j'avais l'impression, je ne sais pas si les journaux avaient déjà relayé. Et donc, elle ils ont jamais dit qu'il était mort. Voilà, exactement. Donc, elle dit. Mais il est jamais mort. Bah non, il était déjà mort. Il est censé être mort dans le bateau. Non, puisque c'est lui. Ah oui, dans le bateau. Il y avait déjà eu l'explosion de bateau. Oui. Donc, ah oui. Ouais, donc le général, il dit, bah, où qu'il soit, il aurait aimé. Même au début, il lui dit, vous êtes sûr qu'il est mort. Il dit, en principe, oui, personne n'aurait pu survivre, mais ils ne l'ont pas identifié. Donc, ah c'est oui, c'est vrai. 100%. Ouais, c'est vrai. Puis on sait à peu près qu'il n'est pas mort. Mais par rapport à l'histoire du blacksmith, il fallait qu'il y ait une conclusion sur son passé de par rapport à sa famille. Pour les nouvelles, en quelque sorte, pour son futur, en gros. On sait qu'il va devenir une sorte de justicier. Bah, tous les gens qui les a BD savent qu'il va devenir une sorte de justicier. D'ailleurs, je trouve. Est-ce qu'on en parle avec le Black Sky, puisque c'est électronique? Non, le Blacksmith, Blacksmith. Donc, d'ailleurs, juste en passant, je trouve que ça devait être vraiment kiffant pour les gens qui ne connaissent pas la BD et donc qui ne connaissent pas vraiment. Le futur du Punisher ni la relation qu'il peut entretenir à Daredevil, de voir son évolution. Parce que moi, je connais déjà un petit peu le Punisher. Quand j'ai vu la bande-annonce, je vois le Punisher en bad guy de la saison, je me dis, mais c'est bizarre, le Punisher, normalement, c'est pas un gentil, mais il fait partie des justiciers. Donc, ça va être bizarre de le voir s'affronter avec Matt Murdock. Qu'est-ce qu'il va devenir? Comment ça va se faire? Et donc, sur la fin, bah, je m'attendais déjà à ce qu'il vire de bord en quelque sorte. Mais pour qu'il puisse virer de bord totalement, il faut une conclusion par rapport à l'histoire de sa famille. Il faut que la boucle soit bouclée en quelque sorte. Quelque part, en plus, le blacksmith, s'ils avaient continué à laisser ça un peu en sous-main et que ça avait continué par exemple en saison 3 ou encore plus longuement, ça aurait été chiant, ça aurait été encombrant. Exactement. Ça aurait pas tenu la route et donc il fallait bien faire. Que ce soit hâtif, bon, mais le blacksmith, on nous en parle depuis, enfin, on nous en a parlé deux, trois épisodes auparavant. Ils ont un peu laissé faire et là, c'est tombé. Bon, ça s'est bouclé un peu vite, mais bon, au moins, c'est bouclé. Voilà, et puis, c'était pas dégueulasse. Ouais, voilà, c'est pas dégueulasse. T'as bien dit. Ouais. Après, sur le Punisher, en dehors de ça. Ce qui est intéressant et ce qui tient là pour le coup de l'écriture, c'est effectivement, cette opposition avec Daredevil sur la manière de rendre la justice, il y a clairement ça, c'est brillamment dit dans les dialogues, notamment dans l'épisode 3 où il y a cette confrontation verbale sur les toits qui est assez incroyable. Mais là où ça devient vraiment assez grandiose vis-à-vis de ce personnage, c'est que, un peu comme Karen Page, nous, quand on regarde, il y a des moments où on se dit quand même que peut-être il a raison. Oui. Et de la part des scénaristes, arriver à nous faire accepter que le mec qui désingue tout le monde, qui est hyper violent, qui tue des gens, enfin voilà, a peut-être raison, et après nous faire nous ressentir une espèce de gêne vis-à-vis de ça dès que Daredevil prend la parole, etc. Enfin voilà, il y a quand même quelque chose là qui est dans l'écriture assez brillant. C'est une des grandes réussites de la saison, tu as raison. Le truc, c'est que la série. C'est la série, comme Jessica Jones aussi, a cette capacité d'un petit peu humaniser ses personnages et ses héros et de les rendre assez accessibles, entre guillemets, plus qu'un personnage qui aurait juste des super pouvoirs et qui serait là juste comme pourtant une projection du spectateur. Là, il y a vraiment une espèce d'humanisation qui est très... Voilà, c'est cette humanité qui est mise à mal avec tous ces trucs sombres qui peuvent se passer. Et là, le Punisher, qui est quand même avant tout un homme normal, qui est un marine, qui est un père de famille éploré, qui a perdu ses enfants et qui en est rendu fou, qui a une balle coincée dans la tête. Là, la grande force, en effet, c'est que constamment dans la saison, et c'est ce qui fait que Karen était un bon personnage, c'est que il peut, enfin même un peu un espèce de fou qui désingue tout le monde, même lui peut avoir droit à une espèce d'amnistie. Et ça c'est très très très fort. Oui, tout à fait. Et à un moment même, c'est même carrément établi comme une sorte de parti politique. Tu sais, t'as notamment cette scène avec Matt et Karen qui sont en train de discuter, qui sont en train de préparer le cas du lendemain. Et tu sais, t'as comme l'impression d'un couple dont l'un serait de gauche et l'autre serait d'extrême droite. Et du coup, ils n'arrivent pas. Et juste parce que leur avis diverge là-dessus, ils se disent bon bah il faut que tu y ailles. Bonne soirée, on est trop fatigué, on peut pas continuer parce qu'ils sont pas d'accord. Donc on sent que les avis sont assez nets là-dessus. C'est soit tu es d'accord et soit tu n'es pas d'accord. Bon après Matt Murdock il est un peu à cheval par rapport ce point-là en particulier que tu abordes, on en parlera tout à l'heure quand on parlera de la place dans le MCU et n'oublions pas qu'on est à un mois de Civil War. Ouais. Je voulais parler de deux moments du Punisher, deux grands moments pour moi. Vous allez me dire si oui ou non pour vous, c'est vos deux grands moments du personnage sur la saison. Le premier, c'est le passage sur le lit d'hôpital quand il est face à Karen, et qu'elle lui fait raconter son histoire pendant tout cet épisode-là, qui est assez central dans la place du Punisher dans la série. Où il y a vraiment des moments où, là, c'est pas que dans le texte, c'est aussi dans le jeu de l'acteur. Il est hyper hyper bouleversant et la manière qu'il a de revivre tout ça face à Karen Page qui le pousse vraiment là il y a quelque chose d'assez grand. Et puis le deuxième moment c'est dans la prison les sept fameuses minutes dans la prison où ils se retrouvent coincés dans l'aile et où là on a un déchaînement de brutalité et de violence absolument incroyable où il est obligé de tuer tout le monde pour pouvoir survivre. Pour moi c'est les deux grands moments c'est très juste aussi. Bon, moi je rajouterais peut-être un troisième et là qui réveille plutôt du fanboy. J'allais te dire en toute fin quand il est au-dessus de l'immeuble et qui vient juste de shooter sur les mecs pour sauver Daredevil et qui lui dit bonne chance Red ou un truc comme ça. C'est aussi emblématique. See you around, Red, un truc comme ça. Ouais voilà. La prochaine. C'est aussi emblématique parce que c'est le nouveau Punisher qu'il est devenu, c'est la nouvelle personne qu'il est devenu. Mais effectivement, si on veut plus rester dans ce sens-là, oui, ces deux moments-là, aussi notamment la scène dans la prison où tu te dis. T'as raison de faire ça, non pas que t'as raison de faire ça, je comprends pourquoi t'as fait ça, mais ta place ça reste quand même là-bas quoi. Tu dois rester là-bas. De toute façon le combat moral, hein, c'est une série qui est autour du combat moral aussi, hein, de la question morale, du sens de la justice, qu'est-ce que la justice, comment on rend la justice, enfin voilà, c'est même au niveau qu'est-ce de son humanité. Est-ce qu'il est encore humain? Est-ce qu'il est encore humain? Est-ce que voilà, si tu veux rendre un jugement sur qui est bon, qui n'est pas bon, qui fait des choses mauvaises, ce serait bien aussi quand même que tu aies une certaine moralité pour pouvoir le faire. Mais là, c'est carrément de la sauvagerie à l'état pur. C'est vrai que cette saison, on a moins le côté religieux peut-être, mais on a beaucoup plus le côté moral. Oui. Du coup, on a glissé vers quelque chose d'aussi hyper intéressant. On va peut-être arrêter avec le Punisher, à part dire que. Maintenant qu'on a vu ça, voir une série autour de lui, c'est surtout avec la fin, hein. Avec le cliff sur le personnage. Moi, j'imagine très bien au moins une mini-série où il va chercher à. Il va enquêter avec ce CD micro. Ou alors, comme l'a fait Netflix déjà avec Marco Polo, ils ont sorti un épisode spécial d'un peu plus d'une heure là autour d'un personnage. Voilà. Pourquoi pas un unitaire comme ça? Moi, je le vois plutôt rester dans l'univers de Daredevil. Avec Daredevil dans les prochains. Après, je sais pas. À suivre, hein, si Netflix va faire des annonces, ils vont les faire bientôt. On va passer au deuxième ajout de la saison. Elektra, Elodie Yang, la française Elodie Yang, qui d'ailleurs, c'est intéressant de savoir qu'elle est française quand on sait qu'elle ne se double même pas pour la VF. C'est assez déstabilisant d'ailleurs quand on connaît sa voix. Grosse blague. Elle double pas la VF ? Non, elle se double pas en VF. C'est Chloé, je sais plus comment, qui la double. N'importe quoi, ça. Bref, passons. Les actrices veulent pas parce que c'est un autre exercice. Elektra alors. Elle était bien au départ. Elle était bien, mais je vais dire que moi je trouve que son personnage souffre du fait de son intrigue. Le fait que l'intrigue des Yakuza dans toute la série, j'ai l'impression que je la mets un peu en retrait parce que je suis plus intéressé par ce qui se passe autour de Frank Castle. Donc forcément, je trouve que le personnage souffre un peu de ça. Elle m'a Perso, elle m'a un peu moins hypé. Elektra m'a un peu moins hypé dans le sens où elle est un petit peu définie par son intrigue et menée par son intrigue, ce qui fait qu'elle est un peu plus, entre guillemets, uniforme, surtout dans son développement, que un Daredevil ou un Punisher. Il y a les parties sur son passé qui sont pas mal, qui montrent comment elle est devenue, mais au final toutes ses actions se rapportent à la même chose, qui sont son propre intérêt, qui sont tuées parce qu'elle est un mal nécessaire et incarné. Donc elle était un peu moins hypante de ce côté-là, contrairement à en effet un Punisher qui, comme tu l'as dit Mathieu, avec cet épisode de dans la prison où au moment où il bute tout le monde, bon, ça, on voit que il y a un niveau entre lui et la criminalité qui font que c'est avant tout un père un peu éploré et pas et un peu désespéré et pas seulement un bandit. Là, Elektra, elle a pas trop ça, même avec la révélation qu'on a sur elle en fin de saison. Ah, pourtant, tu peux quand même dire une chose. Oui. Tu peux quand même dire une chose, c'est que Daredevil, il fait le bien pour rendre sa ville meilleure. Il fait le bien entre guillemets, donc il a décidé de détruire le mal parce qu'il a il a eu ce problème avec sa famille et voilà, il veut éradiquer le mal. Mais par contre, Elektra, c'est un jeu pour elle. Ah non. C'est pas un jeu, non. En c'est soi, une elle survit pour elle. Oui, c'est une survie. En soi, elle veut aussi, dans un sens, ne pas sauver la ville, mais sauver le monde. Elle veut détruire une organisation criminelle vieille de plusieurs millénaires. Ah bon? Vous avez la main. Ah oui, oui, ça lutte contre pour la main. Pour The Chaste, qui est l'ennemi juré de la main, qui veut contrôler le monde. Oui, mais ça lutte contre la main, il y a une notion de survie pour sa propre personne, oui, et aussi de lutte contre ce qu'elle est, puisque quand on découvrira plus tard qu'elle est aussi un Black Sky, une arme vivante, voilà, ça va encore en plus intensifier ce fait-là. Et puis Elektra, quand même, par rapport au lien qu'elle va entretenir avec Matt Murdock et avec Daredevil, elle est hyper passionnante. Et cette espèce de dualité qu'il y a avec Karen Page aussi. Ouais. Et puis, mais juste, hello Matthew, quand elle dit ça, quand elle arrive, mais j'étais fou. Pareil. Ouais, ouais, et tous Elektra, les flashbacks avec elle étaient vraiment très bons. Dans toute sa froideur, dans toute son espèce d'un peu de perversité dans par moment aussi. Enfin voilà, ouais, elle c'est est pour ça que moi j'ai l'impression de jeu. Et oui, elle joue avec lui au début. Exprès juste pour le titiller, pour qu'il s'intéresse à elle et ensuite s'intéresser à la cause. Bah la cause, même la cause, t'as cette impression de qu'elle prend pas trop au sérieux, qu'elle prend pas à cœur. C'est un truc qu'elle a grandi avec. Bah, elle a grandi avec, du coup, c'est tout. Plus qu'une cause, c'est sa vie. Puisqu'elle a toujours vécu avec. Hein. Bah, vu qu'à un moment elle décide de partir, elle revient. Bah, elle décide de partir parce qu'on décide de la buter. Non. Et puis parce qu'il y a aussi cette histoire de trahison aussi vis-à-vis de Stick et machin. Oui, qui essaye de la tuer. Voilà, au bout d'un moment elle se dit, ouais, bah ok, en fait, tout ça, je l'ai fait pourquoi en fait pour j'ai me faire, dédié ma vie à un homme qui, d'un revers de la main, balance tout ça et essaye de me tuer. Il y a une. Elle se cherche au niveau de l'identité, de qui elle est. Elle a été élevée dans le seul but d'affronter la main, et au final, quand elle est en dehors de ça, elle est en soi personne. Puisque même quand elle a tiré, quand elle était à la fac et qu'elle a été vers Matt, c'était aussi un jeu, c'était une mission, on lui a dit de faire ça. Donc ouais, toute sa vie a été contrôlée par Stick et The Chaste. Et même si c'était une mission, au final elle est tombée amoureuse de lui, mais il y avait toujours la mission qui primait. Et au final, maintenant qu'il n'y a plus cette mission-là, ou que la mission a évolué, elle s'interroge sur qui elle est réellement, c'est, elle s'interroge sur son identité. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est ça qui est pas mal en effet, même si elle m'a un peu moins hypé, bon, de toute façon, c'est qu'un détail minime, c'est juste du ressenti, mais c'est vrai qu'elle est très bien menée, elle est très bien interprétée, d'ailleurs, Elodie Young se démerde vraiment bien, mais surtout, il y a toujours cette espèce d'impression constante qui fait que, pour elle, ça passe d'un jeu à tout de suite quelque chose pour en effet sa propre identité, elle est très, comment dire, t'as toujours l'impression qu'il y a une espèce de blocage parce qu'elle est pas complète, elle est pas totalement complète, il lui manque un truc, il lui manque cette chose qui fait que, contrairement à un Matt qui lui à sa vie, etc. Elle, elle a juste son argent, elle a été élevée par Stick, elle a été élevée en effet dans le but de buter des gens, enfin dans le but de combattre la main. Elle a un espèce de mal qui la ronge et qui est vraiment intrinsèque à elle. Et tu sens qu'il y a toujours cette espèce de blocage, hein, cette espèce d'une Electra qui voudrait se libérer, qui voudrait être indépendante, tout ça, et cette irrépressible envie de faire le mal, de tuer quelqu'un, de ça c'est vraiment pas mal et c'est vraiment très c'est assez subtilement amené et conduit dans la saison. Est-ce que vous avez comme ça un grand moment d'Electra sur la saison? Là, j'arrive pas à en trouver un, comme j'ai trouvé aussi facilement pour le Punisher. Moi, j'allais plutôt parler de d'un petit cette impression. Vous savez, c'est son arme là. Comment ça s'appelle? Les sailles. Les sailles. J'ai l'impression qu'ils ont pas vraiment justifié son utilisation, de pourquoi il se met à utiliser ça. The Punisher, c'est génial quand tu vois, il découvre là dans la cabane toute l'artillerie et tu dis bon bah voilà, il devient The Punisher avec tout ça, ça va le définir maintenant avec tous les armes et le t-shirt qui grave. Mais là, le fait qu'elle récupère les sailles de juste du mec qui a essayé de la tuer et ça devient son arme de prédilection, ça m'a j'ai été un peu déçu. J'aurais pu essayer de trouver une façon de me faire comprendre que c'est une arme de prédilection pour elle. Ouais, bon, ça m'a pas très gênant. Moi, une scène qui m'a marqué, alors déjà en dehors de la scène de sa première apparition, c'est dans le final, hein, ce que j'allais dire tout à l'heure. Hein. C'est tout à l'heure, Irish, tu disais que par rapport à la dualité Electra-Matt dans la vie, hein, Matt la vire hein, au cours de la saison, il lui dit de partir. Et en fin de saison, il y a eu une évolution puisque Daredevil enlève son masque pour ne plus être Daredevil mais être Matt Murdock et lui dire qu'il aime et qu'il a envie de partir avec elle. Moi, j'ai trouvé ce moment. Mais oui! Mais ça justement, ça joue également sur cette dualité-là pour aussi expliquer l'évolution. Que maintenant, ce n'est plus Daredevil qui lui demande de rester, cette fois-ci, c'est Matt Murdock. C'est ce que je viens de dire, l'évolution. Plus ou moins. Cette scène est assez intéressante. Moi, ce qui me gêne juste, c'est qu'il y a des mecs qui tambourinent à la porte et qui sont censés défoncer la porte et qui les laissent finir leur petite conversation. Oui. C'est comme quand ils se battent avec Nobu et que t'as 4 mecs derrière qui attendent. Oui. Ouais, après, il y a une forme de respect du grand chef. Voilà, quand le maître se bat, bon, voilà, les sous-fifres n'interviennent pas. Mais moi, juste, ils étaient censés être 200 et au final, ils sont peut-être 10. Oh non, ils sont plus que ça. Un peu plus que ça. 10, j'exagère, mais ils sont pas autant que Daredevil. Ils avaient une trentaine ou quarantaine. On peut enchaîner sur la main, du coup, maintenant qu'on arrive à parler d'eux. Et juste, effectivement, peut-être ce regret que la seule fois où ils m'ont vraiment impressionné, c'est quand ils escaladent l'hôpital. Oui, c'est vraiment impressionnant, mais on l'avait déjà vu dans le trailer. Oui, j'avais pas retenu ce moment-là. Mais là, il y a une vraie impression de puissance, de multiplicité. Ils sont nombreux, ils sont discrets, ils sont... Voilà. Après, c'est vrai qu'on les voit rarement par plus de 10. Ouais. Et aussi un autre élément. Ça coûte trop cher et ça bouffe l'écran. Est-ce que vous avez aussi remarqué, est-ce que ça vous a frappé aussi, vous n'êtes pas dit à un moment, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des ninjas dans des films ou des séries américaines. Des vrais en plus. Enfin, des vrais ninjas. Oui, c'est vrai peut-être. La main, c'était une bonne idée aussi, dans la mesure, pour introduire sur le sujet, la main, c'était pas mal dans l'évolution du personnage d'Electra, parce que, outre le fait que la dualité entre. La dualité dans la relation, mais surtout l'espèce de rivalité quelque part qui s'installe entre Matt et Electra, la manière dont Stick les a élevés, donc Stick les traite, il y a toujours un peu il y a un peu de ça, mais la main dans le sens où ça devient un élément déterminant aussi de leur relation et qui en plus les fait presque basculer hein, puisque elle pense quand même à ensuite se mettre au service de la main qui a été le Black Sky. Ça, c'est pas mal aussi dans ce qu'a été le développement, le déroulement de la personnalité d'Electra. Après, la main, moi, ce qui m'intéresse dans la main, c'est ce moment où ils vont commencer à virer dans le côté mystique un peu, le côté un peu surnaturel, etc. Et ces histoires de Black Sky. Les gammas, le sang et tout ça. D'armes vivantes et compagnie, machin. Voilà, ça m'a... Je me suis dit, intéressant d'aller dans ce côté-là de la mythologie d'Ardeville et compagnie. Le problème, ça dure pas. Ils sont pas allés au bout. Ils ont reculé à un moment parce que peut-être qu'ils n'ont pas encore une vision assez loin de ce qu'ils veulent faire sur la saison 3 et compagnie et machin, ou je ne sais quoi. Non, et du coup, il y a cette espèce de choses non assumées qui, ben, du coup, tombent un peu à l'eau, quoi. Non, je pense pas que ce soit ça. Je pense que, comme en saison 1, ils avaient fait l'épisode sur Stick pour introduire la main et compagnie, parce qu'ils savaient que c'était leur plan pour la saison 2, ils ont voulu déjà semer les graines dans la saison 1. Là, c'est pareil, ils ont parlé de la main en seconde partie de saison pour semer de nouvelles graines pour la saison 3, où ils vont vraiment aller à fond dans la main, en parlant, et dans le côté mystique, en parlant de ce sarcophage, du Black Sky, d'Electra, de ses gosses et compagnie. C'est vraiment, je pense qu'ils ont voulu mettre vraiment installer déjà des idées pour la saison 3, mais je trouve que ça c'est une mauvaise idée parce que ils ont mis ces éléments déjà trop tôt, et du coup en insistant parfois dessus comme sur le Black Sky, hein, et au final c'est des choses tellement énormes, je trouve, dans la mythologie de la série, que ne pas aller au bout et juste mettre ça en guise de teasing pour la saison 3, je trouve que c'est une très mauvaise idée, parce que justement on reste sur notre fin à cause de ça. Ouais, après y a des choses genre le trou. Oui. Ah, et oui, c'est des teasings, hein, je trouve. Justement, ça arrive très tôt dans la saison, l'épisode 7, si je me trompe pas, ou 6. 7, c'est la fin du 7e, c'est le clip 7, du 7. Hein. Et ça arrive dans le 7, on n'en parle plus par la suite, et ça va revenir plus tard. Hein. Mais du coup, c'était un élément qui aurait... soit il aurait fallu le régler dans la saison 2, soit ne pas en parler tout de suite, parce que c'est tellement quelque chose d'important. Ou en tout cas, ça a l'air d'être important, et ne plus en reparler, c'est comme si vraiment on te balançait des idées. On a plein d'idées, on les balance, on voit ce que les gens en parlent, et si les gens aiment pas trop sur les réseaux sociaux, et ben on va un petit peu moins en parler dans la saison 3, un peu les vieilles. Ça fait un peu, enfin moi ça me donne cette impression là de, on met des idées, on voit comment les gens réagissent, et on ajuste le plan. Parce que du coup, ce que tu dis, c'est à qui appartient la série, quoi. Qui tient les rênes. Et c'est ça le problème. Moi, j'ai peur que ce soit ça. Moi, je pense pas que ce soit ça, parce que ce trou évoque plein de choses qui en plus semblent converger pour la saison 3 par rapport à tout ce qui se passe à des histoires comme le Shadowland, pour ceux qui connaissent un peu dans l'histoire d'Ardeville dans les comics. Voilà. Cette saison 2, là. Shadowland. C'est déjà une rumeur pour la saison 2. Ah bon, bah, je suis passé à côté. Voilà, il y a des choses qui peuvent se mettre en place autour de ça. Cette histoire de ce trou, c'est assez, qu'il soit amené, c'est hyper intelligent aussi, parce que ça nous ramène au tout début de la saison 1, quand Nobu montre ses plans à Wilson Fisk, et qu'il y a ce fameux immeuble sur ses plans, et que c'est dans cet immeuble-là que le trou il est, etc., et qu'on s'aperçoit. J'ai complètement oublié ça. Qu'effectivement, il y a un plan beaucoup plus vaste et qui dépasse un peu tout le monde. Et qui se met en place, qui se concrétise aussi avec cet immeuble, avec ce trou et avec plein de choses comme ça. Et du coup, le fait de devoir attendre encore un an, bah, pff, oui, c'est intéressant, c'est motivant, mais c'est un peu long. C'est sûr que ça. Ouais, surtout paradoxalement, il semble lui avoir un peu lui coupé la tête avec Nobu. La question, c'est comment la main va se reformer, comment ça va continuer, est-ce que Madame Gao, par exemple. Va avoir un autre rôle à jouer. Voilà, le truc, c'est que maintenant, Electra va devenir la nouvelle la figure de proue. C'est elle qui va prendre la tête de pas. Et ça va donner une espèce d'autre impulsion. En effet, j'espère que notamment cette affaire de trou, là, qui... Bah, le laisser en plan, quoi. Trou, je l'ai oublié aussi vite. C'est vrai qu'après, je me suis demandé ce qui s'est passé avec, mais... Voilà, bon, bah, c'est du détail, hein, mais voilà. Oui. Tout le monde, du coup, pensait... Mais en tout cas, elle est bien représentée, c'est vrai. Tout le monde pensait, au début de sa saison, d'après les trailers, etc., qu'on allait avoir une grosse opposition avec le Punisher pendant toute la saison. Finalement, c'est assez vite réglé, et puis après, c'est la main qui prend le relais, et on s'aperçoit qu'effectivement, cette main, elle est présente depuis le début, et qu'il y a des ramifications hyper importantes, que peut-être même elle avait manipulé Fisk la saison dernière, etc. Et là, on arrive à l'épisode 8, qui se termine par le retour de Fisk. Un Fisk en prison, mais plus puissant que jamais, on a l'impression. Qui tire énormément de ficelles. Je dirais pas juste J'irai pas ça, vu que... Le mec, il a la prison dans sa poche. Hein. Il réussit à influencer un procès, à faire plier un mec comme le Punisher, qui va finir dans sa prison, pour qu'il arrive dans sa prison, pour qu'il soit placé dans telle aile avec lui, et arriver à lui faire ce qu'il veut. Et derrière, il y a encore plein de choses qui vont se passer avec Matt Murdock et tout. Oui, Fisk, même en prison, j'ai l'impression qu'il est encore plus puissant. Non, il est plus puissant, c'est juste qu'il gère un territoire qui est la prison, il est plus puissant dans la ville. Et comme tu dis, il change au procès. Il peut quand même contrôler les gens à l'extérieur, il a des contacts. S'il a contrôlé, à part les matons qui ont permis de faire... Son avocat peut faire des choses, contacter des gens... Ils n'ont plus de fonds. Les fonds sont morts. C'est fini. Il les épuise durant la saison, ces fonds. Mais oui. Pendant toute la saison, il met en place son plan. Et il a encore des fonds. Il a le fonds secret pour Vanessa. Mais ça, il ne piochera pas. Ça, ah c'est... Bah, on ne sait pas. Hein. Ah, il ne piochera pas. Non, mais quand tu vois la relation... De toute façon, elle va revenir. Quand tu vois la relation qui le lie à Vanessa... tu sais qu'il mourrait plutôt que Vanessa et un petit... Oui, ça, elle va revenir et c'est elle qui va s'en charger. Ma question était, est-ce que ce retour aussi tôt dans la saison vous a surpris ou fait plaisir ou peu importe? C'était surprise. Une surprise, je n'attendais pas. Au début, je me suis dit que ce n'était pas nécessaire, mais après, sur la fin, vers la fin de l'épisode, j'ai commencé à apprécier son retour. Notamment avec la scène, avec la scène de dans la prison où il dégomme toute une partie. Mais sinon, je me disais que c'était peut-être pas nécessaire de l'avoir fait revenir. Là, je trouve encore, pareil, comme avec la main, ils mettent en place des éléments pour la saison 3 et revenir dans la saison 3. De toute façon, la discussion qu'il a avec Matt dans l'épisode 9, si je ne me trompe pas, ça va vraiment dans ce sens-là de on va se revoir et peut-être que ce sera notre dernier affrontement. J'ai eu l'impression qu'il nous disait que c'était marqué en gros, attention, le méchant de la saison 3 sera Wilson Fisk. C'est l'impression que j'ai eu. Non, ce sera pas lui. C'est l'impression que j'ai eue par rapport à lui. Ce sera la main et en seconde partie de saison, lui, il va refaire son retour. Comme le Punisher et la main. Quoi. Comme la main, quelque part. Oui, pardon, vas-y, Léo. J'ai coupé quelqu'un. Non. Non. Pardon. Comme la main, quelque part, il est vraiment. Je trouve vraiment bien amené, que son personnage est toujours aussi respecté. Je trouve Vincent D'Onofrio toujours aussi génial. Mais pareil, enfin. Je suis d'accord avec ce que dit Arnaud, dans le sens où on nous en a fait une espèce de petite touche, quoi. On nous l'a ramené en guest star pour montrer que lui aussi ce sera un élément important par la suite, et probablement qu'en saison 3 on va finir par le revoir. Ils ont vraiment laissé des éléments en plan. Saison 3, je crois qu'ils sont vraiment convaincus de leur potentiel, qu'ils veulent vraiment mettre un espèce d'univers en place, et tous ces non-dits, quelque part, je pense, seront un peu... auront un peu une réponse pour plus tard. Ils ont vraiment voulu faire un espèce de spectacle total cette année, et ce qui a impliqué aussi de laisser des choses en plan, mais en même temps d'ajouter des choses qui seront essentielles par la suite et qui par ces petites touches, hein, notamment avec Wilson Fisk, ajoute un peu de piment à la saison et surtout donne plusieurs éléments vraiment vraiment bien et qui permettent de mettre en valeur également d'autres personnages, notamment le Punisher vu qu'on est dans la prison. La question, c'est comment est-ce que Wilson Fisk reviendra ensuite hors de la prison et comment est-ce qu'il gérera ses affaires, comment ça s'imbriquera par la suite. Ça reste intéressant. Moi, personnellement, je suis très content que Wilson Fisk reste, parce que vraiment, j'adore le personnage. Mais déjà, un élément de réponse, j'ai eu l'impression qu'il a compris que Matt Murdock était Daredevil. Je ne sais pas si vous l'avez vu aussi. Bien sûr. Okay. Là, on a dans cette arc autour de Wilson Fisk quelque chose d'hyper important qui s'est lancé. Born Again. Et voilà. Et c'est à ce moment-là qu'on comprend que cette notion de triptyque et de trois saisons, elle va être hyper fondamentale, hyper centrale dans cette série, à la fois autour de Wilson Fisk, à la fois autour de la chute de Daredevil sur trois saisons, sur la main, sur Elektra aussi. Enfin voilà, le chiffre 3 et cette notion de trois saisons et de construire les choses comme un triptyque, en plus le chiffre 3 est hyper important par rapport à certaines symboliques proches à Daredevil. Voilà, cette notion de construction en trois saisons est devenue là évidente, et on va se terminer la saison 3 sur un, à la fois sur un Born Again, peut-être même sur du Shadowland, enfin quelque chose en deux parties, je ne sais pas. Et pourquoi pas rajouter Bullseye dans la combe, dans la. Je pense qu'il y va venir. Dans la combine, parce qu'il ne faut pas oublier que les Irlandais sont très puissants, sont très présents, je veux dire, aussi dans cette saison 2, et que Bullseye est irlandais quand même. Donc voilà, il y a. C'est cette notion de triptyque est devenue hyper importante, et puis ouais, clairement ce que Wilson Fisk nous annonce là, en venant aussitôt, et ouais, évidemment, Born Again, on peut plus y échapper maintenant. Ouais. Et ça va être... Fisk a posé des théories et des thématiques en plus qui seront intéressantes pour la suite, hein, le fait d'être un animal, le fait de, le fait de faire le mal, comment est-ce qu'on va... de comment enfin de la manière dont on se fait son chemin dans un quartier aussi ravagé que Hell's Kitchen, la prison, ça il y a encore des choses qui sont laissées et qui seront dites après la troisième saison, qui permet d'être assez détonnante de ce point de vue là et surtout comme tu disais sur la chute de Daredevil, sur la mise en place de l'univers et de ce que c'est, tout ce que cette deuxième saison et son questionnement moral sur la mort tuée etc ont annoncé, ça va vraiment péter dans la prochaine saison. Ouais, Daredevil, même Matt Murdock, hein, a passé un sale quart d'heure et a vu plein de choses autour de lui se déconstruire pendant cette saison. Il devrait toucher le fond sans aucun doute en saison 3, et là on devrait toucher à quelque chose d'assez grand. Après avoir comment Karen réagira par rapport à la révélation. Peut-être qu'elle pourrait être un soutien, ou alors peut-être... Si je suis pas Born Again, Karen, ça va être intéressant aussi. Oui. Karen qui devient de plus en plus la personne qui prend la succession de Ben Urich, et ça c'est hyper intéressant pendant toute la saison, cette espèce de transformation qui est là, et c'est pour ça que moi dans cette saison c'est un des personnages qui m'a le plus accroché, parce qu'elle a une évolution assez incroyable. Nelson a aussi une il est génial, il tourne en rond. Non, il a évolué d'une manière incroyable. D'ailleurs, une grande partie de l'attachement que j'ai par rapport au procès, que d'ailleurs, soit dit en passant, c'est une des parties aussi qui m'a vraiment captivé, vraiment génial. Surtout que limite, ce qui se passe avec Matt Murdock ou Daredevil t'intéresse moins que le procès, en quelque sorte. Et tu le vois se détacher petit à petit de Matt Murdock pour s'affirmer en tant que... Bah, il devient lui-même, quoi, indépendant, et voilà, il va faire des choses. L'intéressant dans le personnage de Foggy, pardon, Mathieu. Foggy. Mais il est sous-exploité. Mais non, il n'est pas sous-exploité cette saison, j'ai pas trouvé du tout sous-exploité. Vraiment pas. Non, mais pour moi, il a eu ses moments de lumière. Il a eu ses moments de lumière au moment où il fallait, et il a été mis en avant quand il fallait. Il est devenu lui-même. Il a fait des choix. On le voit à la fin de l'épisode, à la fin de la saison aussi. Je suis sûr que t'as adoré ça, parce que justement, là, lorsqu'on a fait le podcast sur Jessica Jones, ça m'a dit ouais, ça aurait été bien qu'il passe devant un cabinet. Voilà. T'as apprécié Hogarth. Je l'ai apprécié, mais on en parlera tout à l'heure. L'intéressant dans Foggy, je trouve, c'est que dans cette saison, il s'accomplit, vraiment en tant que son personnage, et surtout, il offre un super contrepoids à Matt, quelque part, parce que lui, c'est vraiment le mec spontané, vrai, honnête, généreux, prêt à aider en permanence, ce que lui rappelle Karen d'ailleurs, et en cela il s'oppose complètement à Matt. C'est aussi pour ça, je pense, que Matt lui dit il n'y a plus de Nelson et de Murdock, concrètement je continue à te mentir, toi tu es au bord de l'implosion, ça va plus du tout, t'es plus d'accord avec ça, il faut mieux qu'on se sépare nos chemins, parce que on n'est pas les mêmes, on est presque les opposés, on est super potes, mais concrètement on est des opposés. Ce qui est bien, ça a permis un petit caméo de Jerry Hogarth, c'était sympa, et en ça je suis complètement d'accord, Mathieu, Foggy je suis d'accord, mais tout, aussi, il y a eu des moments clés, notamment dans l'hôpital. La scène face au truand là. Deux mecs, oui. C'est une scène assez bluffante. Ah oui, putain, quand même. Mais même, tu as l'impression qu'il y a plein de discours comme ça qui sont... La scène où, par exemple, Matt Murdock lui dit, voilà, je suis ce que je suis, je suis fatigué de m'excuser auprès de toi. Tu comprends que même jusque-là, il a du mal, et qu'au final, même si c'est Matt qui a eu l'idée du cabinet, que c'est Matt et tu comprends qu'il a du mal à se détacher de Matt Murdock. Il a l'impression qu'il ne peut pas être quelqu'un tout seul sans Matt. Et il apprend qu'il peut l'être. Oui. Et que en quelque sorte, Daredevil, c'est pas qu'il est pas contre le projet Daredevil, il est pas contre, mais c'est juste qu'il a l'impression d'être dans une relation à trois où il voudrait être avec Matt, mais Matt est plus accaparé par Daredevil. Et au fur et à mesure des saisons, notamment avec le procès, il devient une personne à part entière. Ouais. De quoi je voulais vous parler, vous faire parler, j'ai oublié. Ah oui. On va parler maintenant, après avoir parlé de l'intrigue, des personnages, des machins, de ça, de l'enrobage, du paquet, de ce qu'on nous a servi pour les yeux en termes de réalisation. Parce que quand même, il y avait quelques ambitions assez intéressantes. Je pense qu'il va être difficile, après avoir vu Daredevil, de repasser à des séries classiques d'ABC, de CW et compagnie, comme ça l'avait été l'année dernière. Ça va faire mal. On a quelques moments de grâce, quand même, dans cette saison. Épisode 3. Épisode 3, la fameux remix de la Hallway Sane. Staircase. Aussi la cage d'escalier avec les Hell's Dogs, là. Un immense plan séquence qui dure plus de 7 minutes, dans lequel on le sait, et Charlie Cox fait beaucoup de ses cascades. Parce que, le plan séquence, tu parles bien de la cage d'escalier. Ça commence même avant, hein. Ça commence quand il récupère Frank et qu'il va le mettre dans l'ascenseur, etc. Enfin voilà, le plan il commence déjà là. C'est incroyable cette séquence. Il a pris les arts martiaux exprès, Charlie Cox. Oui, parce que là, de toute façon, autant dans le couloir, il y avait possibilité de tricher, de mettre des cascadeurs, etc. Autant là, il y a quand même beaucoup de moments où il est de face, où la caméra est très proche, etc. Et où il devait être là, sinon ça se serait vu et ça aurait gâché un peu l'effet de la scène. Et du coup, là, ça rajoute encore plus à la performance. Ah ben non, c'est il est très bon, Charlie Cox. Juste, tu compares un peu les scènes de combat de nuit entre ça et Arrow, et tu te dis, oh, ça va. C'est... Ah, je voulais mince mettre la consigne au début du podcast, interdiction de parler des combats d'Arrow. C'est vachement bien chorégraphié, même au niveau, Léo, tu vois. Bah, c'est pas que c'est bien chorégraphié, c'est que c'est chorégraphié, c'est tout. Enfin, oui, c'est juste que les mecs ont fait leur boulot, quoi. C'est pas faux. Notamment, tu sais, notamment l'ajout des ninjas avec leurs sabres, et du coup, t'as vraiment l'exploitation du fait qu'il est aveugle et de l'utilisation de ses sens par rapport aux armes d'abord, et ensuite, quand ils se rendent compte et qu'ils utilisent leurs poings. Et la façon dont lui est... Comment dire j'ai perdu le sens. Il doit s'adapter, quoi. Voilà, il exactement. Trouver un autre moyen de les détecter. Ouais. Il ne peut plus écouter leur battement de cœur, il est obligé d'écouter leur respiration. Donc, à ce moment-là, en plus, cette scène, elle a vraiment un écho dans la scène du Punisher dans la prison. Certes, c'est pas un plan séquence, mais il y a quand même un espèce d'écho. On peut pas s'empêcher de penser à cette fameuse scène-là quand on voit l'autre scène dans un cadre tout blanc avec un Punisher en blanc. Enfin, vraiment, on a presque l'exact opposé de ce qui s'est passé dans l'escalier. Et parce que cette fois, il les tue tous, ce que n'a pas fait Daredevil. Enfin, oui. Voilà, j'avais pas fait gaffe. C'est vrai. Tu te rends compte que c'est. Encore une fois, il faut quand même le dire, cette saison, elle a rien à voir avec la première saison. Et niveau qualité. Bah, en termes de. Niveau qualité, la première saison, c'était bien, un peu bof, mais là, cette saison-ci. C'était déjà très bien, même s'il y a la fin qui est regrettable, c'était quand même déjà très bien la première année. J'en connais beaucoup qui sont pas allés jusqu'au bout. C'est leur problème. Mais là, cette saison-ci, je pense que c'est un peu différent. Et en termes de réalisation, d'accomplissement, de technique, d'artistique, tout ça, il n'y a rien à voir presque avec la première saison. C'est un niveau au-dessus. La manière de réaliser qui alterne entre caméra à l'épaule, plan fixe sur les combats pour être toujours dans une espèce d'immersion auprès des personnages, tout ça, avec justement une réalisation qui sert beaucoup ces personnages, qui permet d'être vraiment... au cœur de l'action et qui est toujours maîtrisé. Genre, tous les combats où tu peux assister à la moindre des figures de Charlie Cox ou de Ludi Young, c'est prenant. Les scènes de combat sont d'un jouissif qui est mais absolument dingue. Et, ça travaille partout, quoi. clairement. Clairement, c'est super, super bien mené, en tout cas, au niveau de la réalisation. Et ça donne encore plus de punch et de signification aux scènes, surtout. Après, il y a des choses qui sont quand même, genre les deux premiers épisodes, ouais. Par rapport au reste, c'était peut-être moins beau. Il y avait quelque chose qui... Et il y a deux, trois choses qui sont assez dérangeantes. Alors, ça fait pas forcément partie de la réalisation, mais aussi des choses un peu dans le sens du crédible et du purement mathématique de la chose. Il y a des choses qui m'ont dérangé, notamment le moment où Daredevil et Punisher sont sur le toit, les deux, où il y a un muret qui leur couvre juste les jambes à peu près un petit peu plus haut que le genou, et où les flics, qui sont quand même 12 autour du bâtiment, il n'y a pas un qui est foutu d'en toucher un des deux. Les flics, c'est comme les Stormtroopers, ça ne touche jamais personne. Non, mais surtout c'est incroyable. En plus, le chef de la police leur dit « Vous mettez plein de lumière sur braqué sur le toit, je veux voir tout ce qui se passe. » Il n'y en a pas, alors que si on avait, ils auraient pu voir qui était Daredevil et tout. Bon, voilà. Il y a des petites choses comme ça qui sont un peu dérangeantes. Après, niveau réalisation, c'est quand même... Voilà. Aussi l'arrivée tardive du Punisher, parce qu'on l'attend pendant un moment. Hein ouais, il arrive à la fin, quoi. Bah, moi, je l'attendais un peu plus tôt. À quel moment, ouais, bah, pas. En tout cas. Bah, qu'il devienne vraiment le Punisher quand... avec le... Ah, dans la séquence finale. Oh, bah ouais, non, c'était le moment pour lui de faire ça. Mais moi, je pensais qu'il allait arriver un peu plus tôt. Bah, après, il y a un problème avec cette fin. De toute façon, ce dernier épisode où on arrive à un quart d'heure de la fin où rien n'est réglé. Oui, c'est vrai. À un quart d'heure de la fin, ils n'ont pas commencé à se battre encore sur le toit là-haut. Et surtout l'idée d'aller chercher tout le monde là pour les mettre pour les emmener tous les gens là qui sont allés chercher les victimes de les otages. Les otages. Pourquoi ils ont fait ça? C'est une manière d'impliquer personnellement Daredevil. Oui, c'était pour le chercher un peu. Mais parce que Daredevil allait venir vers eux. Bah ils attendaient que ça, oui. Il y a un autre écho, Mathieu, je trouve, c'est le plan final où tu vois le Punisher complètement accompli avec son t-shirt, etc. Et peut-être que là, du coup, comme tu as vu cet écho là entre la scène de la prison et le plan séquence, il y a peut-être un autre écho par rapport à la dernière scène de la saison 1 où tu voyais un Daredevil complet en costume, machin, qui est vraiment aussi, devenu c'est vrai. Daredevil. C'est vrai. Et là, tu as un vrai Punisher, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Il y a cette façon de sa saison est terminée et du coup, il est devenu ce qu'il doit devenir. Voilà, il y a le même procédé. Ouais. Mais d'ailleurs, il y a de ça aussi. J'ai bien aimé aussi l'habilleur là. C'est quelque chose. C'est un peu un petit côté James Bond. Le gladiateur. Pardon. Le gladiateur. C'est le nom du personnage. Ah, d'accord. Ok. C'est un petit côté. Un nom, voilà, oui, il l'appelle par son nom aussi. Melvin. Voilà. Ouais. Oh, putain, je savais pas. J'aime bien le personnage. Bon, ça va finir par faire un costume à Electra aussi, hein. Oui. D'ailleurs, je me suis demandé pourquoi tu lui fais pas un masque que lui donnant un foulard qu'elle va mettre sur le nez. Bah, c'est évoqué à un moment, hein. Je sais plus si c'est elle ou si c'est Daredevil qui lui dit non. À un moment, il propose de faire un costume, de faire quelque chose pour elle, ou il lui dit qu'il a une idée pour elle, machin et tout ça. Il y en a un des deux qui dit non, qui refuse. Ah, d'accord. Je sais plus. Bref, dernière chose, parce qu'il faut quand même qu'on pense à terminer à un moment ou à un autre. Hein. Ouais. La place de cette saison 2, à la fois au sein du Marvel Cinematic Universe, mais aussi de cet univers Netflix. Netflix Marvel, oui. Ça y est, maintenant qu'on a une deuxième série qui est lancée, Jessica Jones, on commence à avoir des interactions entre les deux séries. Ouais. Voilà, Rosario Dawson est passé dans l'une, puis dans l'autre, revient, fait clairement écho à Luke Cage. Tout à fait. Le nom de Jessica Jones est mentionné même dans la série, dans la saison. Jerry Hogarth est là. Jerry Hogarth est là, et du coup, je trouve ça d'ailleurs assez intelligent que ce soit les personnages secondaires et pas les personnages principaux qui viennent. Ouais, c'est beaucoup plus sérieux. C'est intéressant de l'avoir, elle, en plus avocate, pour venir chercher Nelson. Et puis comme ça, on retarde le moment où les Defenders vont vraiment se former. Ils sont encore plus grandiose de tous les voir ensemble plutôt que de voir déjà des apparitions avant dans les séries de l'un et de l'autre. Alors, qui a poussé comme moi un petit cri d'excitation quand il a entendu qu'un des enfants s'appelait Daniel? Les enfants 2. Ah ouais, putain. Dans les enfants qui sont en cage là, par la main là, ou avec l'histoire de transfusion sanguine et tout ça, il y a le père, il y a le banquier financier là qui recherche son fils et à un moment, quand il dit que son fils s'appelle Daniel, Il y a un moment où je me suis un peu figé, je me suis dit merde, Iron Fist vrai. Déjà. Non, c'est pas lui. Bah, parce que Daniel, c'est le prénom d'Iron Fist, Daniel Rand. Et en plus, il est blond, etc. Donc ils ont bien joué là-dessus, voilà, pour nous faire croire que peut-être. Et non, mais j'ai trouvé le clin d'œil rigolo. Non, parce qu'il donne son nom de famille et c'est pas Rand. Ouais, mais moi j'avais oublié son nom de famille au mec, déjà. En plus, il l'appelle Daniel et pas Danny. Ouais, ah oui, mais après son prénom c'est Daniel, donc Daniel. Ouais, mais bon, on connaît plus sous Danny. J'ai pas réellement vu. Mais Arnaud, tu bloques des fois sur certains trucs. Bah non. Non, mais après, voilà. Faut pas aller voir des clins d'œil partout non plus. Bah, j'en ai vu en plus dans le sens où c'est le Black Sky, cette histoire de gamin qui était une arme là, il y a deux saisons. Elektra, qui est aussi un Black Sky, qui est une arme. Ce sont des armes vivantes, des living weapons. Et n'oublions pas que Iron Fist, son sous-titre, c'est The Living Weapon. Et que forcément, quand on parle de Black Sky, quand on parle d'armes vivantes, etc., on introduit Iron Fist. Donc du coup, et qu'en plus, on te place un prénom Daniel pour te dire « Hey, coucou, s'il arrive !» Je veux pas revenir en arrière, mais j'ai rien compris de ce que ces gamins-là faisaient ou à quoi ils servaient. Hein. Ah, mais moi non plus. Hein. Personne. Ah, d'accord. C'est encore un des éléments pour la saison 3. Là, ouais. Pour le coup, voilà, il y a le trou, il y a les gamins, l'histoire de transfusion. Le sarcophage. Ça, si. Bah, qui était dans le sarcophage? Ah oui, c'est ça. C'est ça. Moi, la question. J'ai une théorie, et en tout cas, j'ai une grosse envie. Non, puisque Nobu, il prend le sarcophage et il a été dans un truc comme ça aussi. Oui, mais c'était pas lui, puisque quand Daredevil arrive dans cette cave, et il voit les gamins, dans la cage, et on prend leur sang pour le transférer dans le sarcophage, donc c'est qu'il y a quelqu'un dedans. Et Nobu, il arrive et il coupe tous les tubes et il emmène le sarcophage pour le protéger. Alors Léo a une idée, donc on va le laisser dire quelle est son idée. On verra l'année prochaine, du coup. Non, c'est plus un fantasme qu'une idée. Mais une partie de moi veut croire et veut penser qu'il y a Kilgrave là-dedans. Mais c'est effectivement un fantasme. Non, je pense que c'est un nouveau personnage qu'on ne connaît pas, c'est tout. Leur chef, peut-être que Nobu n'était pas le chef suprême. Oui, mais justement, il n'est pas le chef suprême de la main, et l'histoire de ce qui va arriver à Elektra, etc., implique un autre personnage bien plus puissant et des mystiques, etc., et peut-être que c'est lui dedans. Bah oui, mais le problème, c'est que pourquoi, s'ils ont un personnage plus mythique et plus puissant, ils vont aller vouer allégeance à Elektra? Pourquoi ils vont se faire chier à... Parce qu'Elektra, c'est une arme qui est peut-être plus importante que les autres. Ouais, peut-être. Bah, après, on n'aura pas de réponse là-dessus pour le moment. Hein. C'est... Voilà. On va bien aller. Ah non. Mais encore, je suis pas sûr malheureusement. Oui, moi je pense que l'année prochaine sera autre chose. Donc voilà, plein de choses intéressantes. On n'en parlerait pas aussi longtemps de la série s'il n'y avait pas autant de choses motivantes, etc. Évidemment, on est à un mois de Civil War et il y a plein de choses qui font écho, hein, notamment quand Jerry Hogarth va dire qu'il y a pas mal d'hommes politiques qui sont prêts à faire des choses pour cadrer les super-héros, etc. Et qu'on va avoir besoin de Nelson, machin, enfin de Foggy, faut que j'appelle par son prénom. Et qu'elle va avoir besoin de lui. C'est pas Foggy son prénom. Bah oui, mais j'aime bien son... C'est son surnom, quoi, mais oui. C'est un surnom, mais c'est pour ça qu'on l'appelle, hein, qu'on le connaît. C'est mieux que de l'appeler Nelson. C'est un peu moche. Nelson, c'est pas notre famille, mais le prénom, c'est pas Foggy. Je sais même plus c'est quoi le prénom. C'est pas Freddy, non. C'est pas un truc genre Fitzgerald pour ressembler à Foggy. C'est Franklin, son... Franklin. Oui, c'est Franklin. Je préfère Foggy. Oui, complètement. C'est... Voilà, c'est... On sent qu'on a impliqué. Donc bref, voilà, c'est quoi Civil War aussi. On le sent aussi dans la conversation que Hélène et Matt Murdock ont, justement, ce que tu parlais tout à l'heure, quand j'ai dit on en reparlera tout à l'heure, cette espèce de conversation que tu assimilais à de la politique, à Irish, etc. On sent aussi qu'il y a un mode de point de vue vis-à-vis des personnages censés protéger la ville, etc. Et que dans la Civil War, clairement, Daredevil et Karen ne seraient pas du même côté. Il y a plein de petits conflits comme ça, moraux, politiques, qui nous amènent ça... C'est assez intéressant aussi. Exactement. Il y a un aspect politique clairement dans est-ce qu'on doit les buter parce que une fois pour toutes c'est fini, ou alors est-ce qu'on leur laisse une seconde chance, on leur donne un procès, etc. Comme ce que pousse Matt à faire en prenant le cas avec Foggy et Karen. Il y a une espèce de question de positionnement qui a quelque chose de politique. Ça peut être lié au fait que la série soit américaine. C'est un de leurs grands débats. Les questions de la peine de mort. Hein. Ah, bah ça. Ils essayent que le procès ait lieu à New York, puisque la peine de mort est. Dans le Delaware. À New York, elle est interdite, donc on veut oui, le. Veut justement, ils veulent que ça se passe à New York pour qu'il n'ait pas de peine de mort. Non, c'est la procureure. Oui, voilà, oui, d'accord. Moi, je m'étais passé du point de vue de Reyes, donc forcément, j'allais dire l'inverse. Ok, bien, bah écoutez, on va s'arrêter là, parce que sinon, on va partir pour la nuit et on va parler de la série aussi longtemps qu'elle ne dure. Une note à la saison pour terminer, et puis après on se quittera et on se préparera à aller voir Batman v Superman. Mercredi pour moi. Une note sur 5, Arnaud ? Ah, sur 5. 4. Irish. Irish. 4,5. 4,5, Léo ? Entre 4 et 4,5, donc je dirais 4,25. D'accord. Je vais lui mettre la même note que j'avais mis à la saison 1. Je crois que je lui ai mis 4, donc je vais lui remettre un 4 cette année aussi. Ah, parce qu'il y a quand même cette fin qui me dérange, cette fin précipitée. Oui, pareil. Cette fin sans cliffhanger, en plus, enfin, qu'est-ce que c'est que cette fin où juste je suis Daredevil ? Bah oui, ok, mais enfin, c'est pas un cliffhanger de fin de saison, ça. Oui, mais tu noteras quand même, c'est un truc que j'ai bien fait gaffe, c'est entre le moment où ils se débarrassent du gros vilain, qui soit dit en passant, alors j'ai pas fini, mais vous regardez Agent of S.H.I.E.L.D. la saison 1, le méchant il est tué quasiment de la même façon, une sorte de résurrection et il se fait exploser, je sais pas si vous voyez de quoi je veux parler. Pas du tout. Bah si, les Coulson qui explosent le méchant qui venait de se ressusciter et de prendre l'armure. Et là, il arrive avec une sorte de dézingueur et elle explose. Et bah, c'est pareil pour Nobu. Il se lève. Il se fait trancher la tête. Voilà, il se lève, il s'apprête à partir. Et là, paf. Donc, je sais plus ce que je voulais dire. Je suis en train de parler. La note. Non, c'était pas sur ça. Non, moi, j'avais conclu sur le cliffhanger de fin qui était inexistant et pas forcément pertinent. Ah oui, voilà. Je voulais dire qu'entre le moment où il se débarrasse de vraiment toutes les menaces et la scène finale où il sort le masque et il dit voilà, je suis Daredevil, il y a plus de 15 minutes. Pourtant, dans les autres séries, tu vois que... Non, justement, c'est très court. Puisque 15 minutes avant la fin, ils n'ont pas commencé de se battre sur le toit encore. Attention. Ah, certains. J'ai regardé le chrono, je me suis dit, putain, il va falloir accélérer, les gars, parce que, j'étais un peu paniqué sur la fin du dernier épisode. Je me suis dit, il me semble qu'il y a peut-être une dizaine de minutes. Bon, après, c'est très, très rapide. C'est 3-4 minutes, pas plus. C'est très, très court. Et en 3-4 minutes, t'as que des choses dont tu... Bon, ouais, ok, Elektra, elle va revenir. Bah oui, ok, on s'en doute. Je révèle mon Insta Karen, oui, bon. Bon, voilà, il n'y a rien qui... C'est vrai qu'un... je reviendrai. C'est ça. Et voilà. C'est un petit peu facile, en tout cas, tout ça. Bref, allez, on arrête là. On se retrouve... Donc, les notes. les notes, c'est bien. T'as donné la tienne, Les 4. Oui, 4,5. C'est fait pour tout le monde. Il manque, j'avais pas entendu celle d'Irish. Si, si. Non, 4,5, j'ai dit. Et du coup, je refais, on se retrouve mardi prochain pour le mag du 29 mars. Et évidemment, jeudi prochain, on a encore un gros morceau qui nous attend, c'est Batman v Superman, Dawn of Justice, je vais le dire en anglais parce que l'aube de la justice, franchement, ça va pas du tout. Même si ça dit la même chose. Donc, bonne série pour ceux qui termineraient Daredevil maintenant qu'ils sont spoilés. Bon film pour ceux qui vont voir Batman. Et pour tout le monde, à la semaine prochaine. Salut. Salut. Bum, bum.